t'ai rencontré au début, je t'avais pas connu. Je t'ai accosté pas comme avec une autre inconnue. On se demandait ce que nous réservait cette vie. Je t'avais prévenu, je t'avais rôti. Aujourd'hui ça serait comme ça, comme c'est entre nous. On le fait peut-être pas exprès. Je suis peut-être pas extra, mais je veux m'extraire. On peut plus revenir en arrière. Et j'ai les nerfs de ne pas être à la hauteur, ça m'énerve. Mais je sais pas, c'est énorme. Ce qu'on doit faire pour plaire, je comprends pas. Si on serait célibataire, on ferait en sorte de plaire à quelqu'un. Pourquoi ces quelques détails, on les maîtrise pas? Quelquefois, on se pose des questions. Je maîtrise plus mes paroles à cause de la pression. Ça me donne l'impression, tu veux me garder pour toi. J'aime exister, c'est moi qui a décidé d'être à tes côtés. Comme toi tu le fais pour moi. On n'est pas des objets dans ce monde. On s'appartient mais chacun sa partie. Crois-moi, c'est partout. Je me dis que je suis avec toi. On vit sous le même toit. Si je suis là, c'est pas en dépôt. Et quand je te dis que j'en ai marre, c'est pas des conneries. Je veux pas vivre de remords. À mon avis, on a déjà beaucoup ramé. Et encore je te dis, je savais aussi qu'aujourd'hui, on en serait là. Et si j'ai choisi d'être avec toi, c'est parce que j'avais appris à te connaître. J'avais plus confiance en moi, tu avais plus confiance en toi. J'ai peut-être fait une connerie, c'est que je t'ai donné l'habitude de m'accompagner. Tu sais, je veux t'accompagner dans ta vie.